السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لغاية عظيمة جليلة، ألا وهي إخلاص الدين له جل وعلا. قال ربنا عز وجل في كتاب الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص، كما قال عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا، وأكثر ما ذكر في القرآن الكريم هذا الموضوع. Après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala et prié sur son humble prophète Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, sans aucun doute, Allah subhanahu wa ta'ala nous a tous créés pour une grande sagesse et pour un but qui a la plus haute importance. Et ce but n'est autre que de concrétiser le monothéisme pur, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, et cela d'un culte sincère. Ainsi, on trouve que le sujet le plus souvent mentionné dans le Coran est la sincérité, le monothéisme pur, adorer Allah d'un culte sincère. Et tout le Coran fait référence à cela, soit d'une manière directe en ordonnant l'adoration, en ordonnant l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sincérité, soit en interdisant son contraire, le polythéisme, soit en montrant la récompense de ceux qui l'adorent seul d'un culte sincère, et en décrivant le paradis, la demeure de ceux qui l'auront adoré sincèrement dans ce bas monde, soit en menaçant ceux qui font le contraire de ce pourquoi ils ont été adorés, la désobéissance d'Allah, et à la tête de cela et le pire de cela, le polythéisme, soit en nous citant ce par quoi on va pouvoir davantage se rapprocher d'Allah et mettre en pratique l'adoration d'Allah, les obligations, les règles religieuses, et ce qu'il nous faut éviter, les désobéissances et les péchés. Donc, tout cela pour qu'il y ait ikhlas ud-din lillahi azza wa jal, l'adoration d'Allah d'un culte sincère. Et c'est pour cela qu'il nous a tous créés, comme on le trouve dans le Coran, dans Surat al-Dhariyat, lorsqu'il nous dit: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Je n'attends pas de ma subsistance ni qu'ils me nourrissent. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Mais c'est plutôt Allah qui est le grand pourvoyeur. Ici, Allah nous montre qu'il nous a créés pour cette grande sagesse. Et il ne nous a pas créés car il avait besoin de nous ou attendait quelque chose de nous. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. In yasha' yudhhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid, wa ma dhalika 'ala Allah bi 'aziz. Ô vous les gens, vous êtes dans le besoin d'Allah. Quant à Allah, lui, c'est le riche, le digne de louange. S'il veut, il vous fait tous disparaître et vient avec de nouvelles créatures. Et ceci n'est aucunement difficile pour Allah. Al-Ikhlas, Rayatu Khalqi Al-Thaqalayn. Donc la sincérité, c'est le but pour lequel on a créé les hommes et on a créé les djinns. Et on trouve que le premier chapitre du livre d'Al-Hafidh المنذر رحمه الله تعالى كتاب الإخلاص. Et on trouve dans plusieurs livres de grands savants qu'ils ont commencé par les chapitres sur la sincérité, sur les bonnes intentions. Que ce soit Al-Arba'in Nawawiyya, qui a commencé par Innamal A'malu bin Niyyat, que ce soit Riyad al-Salihin, que ce soit Sahih al-Bukhari, ou d'autres livres encore. Et cela car ce chapitre est la base de tout le bien. Et sans ça, Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas d'acte d'adoration du fils de Adam. Car pour que l'adoration soit acceptée chez Allah subhanahu wa ta'ala, il faut la sincérité et il faut également le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, après avoir cité le chapitre de l'intention, certains savants ont cité le chapitre de la sunna. Le chapitre de la sunna. Et c'est un des chapitres de ce livre, pareillement. Tout comme l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, a cité en cinquième hadith de son livre Al-Arba'in al-Nawawiyya, il a cité le hadith de Aïcha, rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, « Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu, fa huwa radd. » Celui qui innove dans notre ordre une chose n'en faisant pas partie, son action sera rejetée. Son action sera rejetée. عن ابن عمر رضي الله عنه أو عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه حذرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte et nous montre les bienfaits de la sincérité et de la véracité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et que c'est cela qui sauve le serviteur, tant dans ce bas monde que dans l'au-delà. Et cela, même dans les situations les plus extrêmes. Il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y avait trois personnes qui étaient en chemin. Puis, ils se sont reposés dans une grotte, dans une caverne. Et lorsqu'ils y sont entrés, un gros rocher est tombé devant, ou plutôt à l'entrée de la caverne, et a bloqué sa sortie. Alors, ils se sont dit mutuellement, rien ne vous sauvera de ce rocher, si ce n'est invoquer Allah avec vos actions pieuses. فقال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران. Et chacun a fait ce qu'on appelle التوسل. Que signifie التوسل? C'est le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en mentionnant une chose avant ou pendant ou après ta demande. Et il y a plusieurs types de توسل légiférés. Parmi les tawassul légiférés, il y a le fait d'invoquer Allah par tes bonnes actions que tu penses avoir fait sincèrement pour lui. Parmi les types de tawassul, il y a le fait d'invoquer Allah en mentionnant ses noms. Allah nous dit dans le Coran, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. À Allah appartient les plus beaux noms, invoquez-le donc avec. Tu dis par exemple, يَا رَحِيمُ Ya Rahman Irhamni. Ô toi le miséricordieux, fais-moi miséricorde. Ya Rafa Irfirli. Ô toi le grand pardonneur, pardonne-moi. Et ainsi de suite. Tu peux aussi faire comme Tawassul, demander à une personne qui est vivante, présente et que tu penses être pieuse, de faire dua pour toi. Tout cela entre dans Tawassul. Et ici, c'est Tawassul avec les bonnes actions. Le premier à demander à Allah avec Birrul Walidain, par la bienfaisance envers ses parents. Il dit, lorsqu'il invoque, « Oh Allah, j'avais mes parents, tous deux, qui avaient atteint un âge avancé. Ils étaient âgés. « Wa kuntu la arbuku qablahuma ahlan wa la malan » Et il nous dit qu'il ne les faisait ou qu'il ne préférait personne à eux. Il ne préférait personne à eux et il ne devançait personne à eux. Ni épouse, ni enfant. C'est un homme pieux qui, lorsqu'il apportait la nourriture le matin, le petit déjeuner ou le lait, il commençait par ses parents. Et il détestait faire passer qui que ce soit avant eux. Quand bien même, même si il y avait sa famille et il y avait son propre sang, ses enfants. Il nous dit un jour, alors que je me suis éloigné auprès d'un arbre, le sommeil m'a pris. Il nous dit qu'il aura Mada, qu'il attrait la bête pour prendre son lait. فوجدتهما نائمين فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فلبثت والقدح على يدي. Puis il nous dit que ce jour-ci il s'est éloigné, il s'est mis près d'un arbre et il s'est endormi. Lorsqu'il est revenu, il les a trouvés endormis. Il avait le récipient dans sa main et il n'a pas voulu faire passer avant eux d'autres activités ou bien sa propre famille. Il est donc resté ainsi devant avec le récipient dans ses mains. Antadiru istiqa'ahuma. Antadiru istiqa'ahuma. J'attendais leur réveil. Hatta baraq al-fajr. زاد بعض الرواه والصبية يتضاغون عند قدمي. Jusqu'à ce que le jour se lève et il dit qu'un des rapporteurs, on dit que certains parmi les rapporteurs ont ajouté alors que les enfants, yani ses enfants, ce Mada lui demandait à ses pieds. C'est-à-dire que ses enfants étaient auprès de lui et se plaignaient. Fastaiqadha. Ils se sont donc réveillés. Et lui n'a pas donné ce lait à ses propres enfants. Fashariba rabuqahuma. Puis ils ont pu boire. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtira'a wajhik. Fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhra. فانفجرت أو فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. Après avoir mentionné cette action, il a dit, oh Allah, si j'ai fait cela sincèrement à la recherche de ton visage, alors délivre-nous de ce rocher. Le rocher s'est déplacé quelque peu, mais sans leur permettre de pouvoir sortir. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الآخر. Puis le prophète صلى الله عليه وسلم cite le deuxième. اللهم كانت لابنة عم كانت أحب الناس إلي. Le deuxième a invoqué Allah عز وجل par sa chasteté et le fait de craindre Allah et de ressentir qu'il le surveille et de délaisser le péché pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, oh Allah, j'avais la fille de mon oncle qui était la personne que j'aimais le plus. فَأَرَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا فَمْتَنَعَتْ مِنِّي. Et un jour je l'ai voulu, mais dans le haram, et elle a refusé cela. حَتَّى أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِينَ. Jusqu'à ce qu'elle fût touchée par une famine ou par un grand besoin à un certain moment. فَجَاءَتْنِي. Elle m'est donc venue. فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِئَةَ دِينَارَ. Elle m'est venue, je lui ai donné 120 dinars. عَلَىٰ أَن تُخَلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِهَا. Je lui ai donné 120 dinars à condition qu'elle me permette de consommer avec elle, c'est-à-dire dans le haram. فَفَعَلَتْ. Elle s'est résignée à cela, c'est-à-dire qu'elle lui a permis de l'approcher. حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا قَالَتْ لَا أُحِلُّ لَكَ أَن تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّ. Lorsqu'il s'est mis sur elle, elle lui a dit, ne fais cela. Lorsqu'il a été en capacité de commettre l'acte, elle lui a dit, je ne te permets cela que dans le licite. Je ne te permets cela que dans le licite. فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الْوُقُوعِ عَلَيْهَا. Donc il s'est vu dans la gêne de la toucher par la suite. فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَيَحَبُّ النَّاسِ إِلَيْهِ. Alors je suis parti, je l'ai laissé, c'est-à-dire sans commettre l'acte, alors que c'était la personne que j'aimais le plus. وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيْتُهَا. Et je lui ai laissé l'or que je lui avais remis. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. Oh Allah, si j'ai fait cela sincèrement à la recherche de ton visage, alors délivre-nous de la situation dans laquelle nous sommes. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج عنها. Alors le rocher s'est décalé quelque peu, mais sans pour autant leur permettre de sortir. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الثالث. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit, et le troisième a dit. Donc le troisième a invoqué Allah par une autre bonne action qui est l'amana, le respect du dépôt. Lorsqu'on te confie une chose, tu gardes cette chose et tu la rends aux ayants droit par la suite. Et lorsque tu as la responsabilité, tu t'en acquittes. Lorsque des gens travaillent pour toi, tu leur donnes pleinement leur salaire. Donc le troisième a dit, Allahumma inni sta'jartu ujara wa a'taytuhum ajrahum ghayra rajulin wahidin taraka alladhi lahu dhahab. Le troisième a dit, oh Allah, j'avais engagé des travailleurs et j'ai donné à chacun son salaire, exception faite d'un homme parmi eux. Ce dernier a délaissé son droit, son salaire, et s'en est parti. Et il est parti. فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ. Il dit, j'ai fait fructifier son salaire. Le travailleur est parti sans prendre son salaire. Qu'a fait cet homme-là ? Il a pris son salaire et il l'a investi, il l'a développé. Il l'a investi et il l'a développé. Il a fait travailler ses biens et les a développés. حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الْأَمْوَالِ. Jusqu'à ce que ses richesses soient devenues nombreuses ou importantes. فَجَاءَنِ بَعْدَحِينَ. Après un certain temps, il m'est venu. فقال لي عبد الله أدي إلي أجري. Après un long moment ou après un certain temps, il lui est venu et il lui a dit, ô serviteur d'Allah, donne-moi mon salaire. Ô serviteur d'Allah, donne-moi mon salaire. فقلت كل ما ترى من أجرك min al-ibili wal-baqari wal-ghanam wal-raqiq. Et il lui a dit, tout ce que tu vois, dire dans cette vallée, tout ce que tu vois t'appartient. Il y avait quoi? Il y avait des chameaux, il y avait des moutons, il y avait des servants. Il lui a dit, tout ce que tu vois, na'am, t'appartient. Faqala ya Abdallah, la tastahzi bi. Il lui a dit au serviteur d'Allah, ne te moque pas de moi. Ne te moque pas de moi. Imaginez une personne qui travaille pour vous. Il a travaillé pour 1500 euros. Il n'a pas pris son salaire et il est parti. Et toi, tu prends ces 1500 euros et tu les investis, tu travailles avec. Il revient, par exemple, au bout d'un an, et tu lui dis, les 10 000 euros que tu vois, ça, c'est ça ton salaire. Il lui dit, ne te moque pas de moi. Il lui dit, ne te moque pas de moi. فَقُلْتُ إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ. Il lui a répondu, je ne me moque pas de toi. فَأَخَذَهُ كُلَّهُ. Et il a tout pris. Il a tout pris. وَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئًا. Et il n'en a rien laissé. Allahumma, إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَفْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ. فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ. Puis il a invoqué Allah. Oh Allah, si j'ai fait cela à la recherche de ton visage, délivre-nous de ce dans quoi nous sommes. Alors là, le rocher s'est encore décalé et ils ont pu sortir et ils ont marché. Dans une autre version du hadith, la yunjikum illa sidq. Dans une autre version, rien ne vous sauvera de cela si ce n'est la véracité, si ce n'est d'être véridique, si ce n'est d'être véridique. Donc, on voit ici l'importance de la sincérité. Et la sincérité, c'est le fait de vouloir et de viser à travers cette action la recherche ou bien l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ikhlas tasfiyatul amal bi salihin niyyah min jami'i shawa'ib ash-shirk wa ar-riya. Al-ikhlas, c'est le fait de purifier, d'épurer, de nettoyer l'action faite. Tu la nettoies, tu la purifies de quoi? De vouloir autre qu'Allah à travers cette action. De toute ostentation. Tu ne recherches pas les éloges des gens, ni le regard des gens. Tu ne recherches qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu as cela, lorsque tu te retrouveras dans un moment difficile, et que tu invoqueras Allah subhanahu wa ta'ala, Allah t'accordera. Allah t'accordera. عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه ظن أن له فضلا على من دونه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها وبدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. Saad radiallahu an s'est vu une supériorité de par ce qu'Allah lui a accordé sur certains. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, certes Allah secourt cette communauté par la cause de leurs faibles, ou à cause de leurs faibles, leurs invocations, leur prière et leur sincérité. Et leur sincérité. Avec le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout comme, ou plutôt avec la sincérité, tout comme tu as le secours d'Allah, il répond à ton invocation, également, tu es un bien pour la communauté tout entière. Par la cause de ta sincérité, Allah subhanahu wa ta'ala répand ses grâces et ses bienfaits sur beaucoup de ses serviteurs. Ce qui contredit la sincérité, c'est al-ishraku billah, c'est al-shirk. Wa huwa da'watu ghayri Allah ma'a. Al-shirk, c'est le fait d'invoquer un autre avec Allah. C'est le fait de prendre le droit d'Allah et de l'attribuer à autre que lui. Et Dhahhak ibn Qays radiyallahu anhu nous dit qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul ana khayru sharik faman ashraka ma'i sharikan fahuwa li shariki ya ayyuhan nas akhlisu a'malakum fa inna Allah tabaraka wa ta'ala la yaqbalu min al-a'mal illa ma khalusa lahu ولا تقول هذه لله وللرحم فإنها للرحم وليس لله منها شيء ولا تقول هذه لله ولوجوهكم فإنها لوجوهكم وليس لله منها شيء رواه البزار. الله تبارك وتعالى دي أو plutôt dans un autre hadith إن الله عز وجل يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. Dans le hadith d'Abu Umama, qui est un hadith hassan apporté par Abu Daoud et d'autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit certes, Allah عز وجل n'accepte comme action que ce qui a été fait sincèrement et par laquelle on a recherché son visage. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte comme action que ce qui est basé sur le tawhid, que ce qui est basé sur l'ikhlas. Dans le célèbre hadith, Omar ibn Khattab radiallahu anhu nous dit « Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul innama l'a'malu bin niyyah wa fi riwayah bin niyyat » Omar ibn Khattab radiallahu anhu nous dit « Les actions ne valent que par l'intention. » Dans une autre version, les actions ne valent que par les intentions. Et chacun sera rétribué selon son intention. Et chacun sera rétribué selon son intention. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَةُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَةُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Celui donc qui fait l'égir pour Allah et son messager, son égir lui sera pour Allah et son messager. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَةُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا. Et celui qui fait l'égir pour ce bas monde afin de l'atteindre, أَوْ إِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا, ou une femme qu'il souhaite épouser, فَهِجْرَةُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Son égir lui sera compté comme tel. Ce hadith qu'a rapporté l'imam Bukhari, l'imam Muslim et d'autres nous montre que la considération de l'action du serviteur chez Allah comme étant une bonne action ou pas, comme étant une action acceptée ou non, est en fonction de la sincérité de la personne, en fonction de l'intention de la personne. Et c'est pareil pour la récompense. La bonne rétribution ou non est relative à l'intention qu'aura mis celui qui a fait cette action. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a cité un exemple pour illustrer cette grande règle que la considération de l'action chez Allah est selon l'intention. Et la récompense qu'Allah donnera, pareillement. Al-Hijra, mufaraqatu baladi al-kufr ila baladi islam. Al-Hijra, c'est le fait de quitter un endroit où il n'y a une terre qui n'est pas une terre d'islam vers une terre d'islam. Et celui qui fait cela et son intention est pour Allah subhanahu wa ta'ala aura cette grande récompense. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Al-hijratu tajubbu ma qablaha. La légir efface tout ce qui est passé avant. Quant à celui qui a une autre intention, il aura, selon ce qu'il a fait ou selon ce pourquoi il a fait, Al-hijra. Et devant la bassesse de ce qu'il recherche en dessous d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallam n'a pas répété cette chose-là. Alors que lorsque l'intention était bonne, il a répété. Celui qui fait l'égir pour Allah et son messager, son égir lui sera compté pour Allah et son messager. Là, il répète. Par contre, après, il nous dit, فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَجْرَ إِلَيْهِ. Son hijr sera ce pourquoi il a fait l'hijr. Sans répéter, car il a visé avec cette action des plus grandes, il a visé une chose de dunya. Il a visé une chose basse. Abu Huraira radiallahu anhu nous rapporte ou nous na'ama hadith qu'il a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme le rapporte l'imam Muslim, certes Allah ne regarde pas vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Mais il regarde vos cœurs et vos actions. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que l'endroit du regard d'Allah subhanahu wa ta'ala, duquel va découler la rétribution, la récompense ou la punition, l'élévation ou l'humiliation, c'est quoi? C'est le cœur de la personne. Et les actions de la personne. Ces deux choses-là. Pas que le cœur et pas que l'action. Mais l'ensemble des deux. Et lorsqu'il nous dit, il ne regarde pas vos corps, c'est-à-dire, il ne regarde pas le physique de la personne. Si elle est grande ou petite, si la personne est belle ou non, si il est blanc ou noir, s'il est fin ou fort, non. Ceci n'est pas le lien que tu as avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne fait pas ta place chez Allah tabaraka wa ta'ala, ton origine, ta couleur, ton apparence, ta taille, ton poids, non. Mais ton lien avec Allah subhanahu wa ta'ala est selon l'état de ton cœur et de tes actions. Selon l'état du cœur et de l'action. Si ce cœur-là comporte la sincérité, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors la personne est dans le bien, à condition que ses actions soient en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la bonne intention seulement ne sauve pas le serviteur et ne lui donne pas une belle image chez Allah. Et la belle action seulement n'est pas suffisante et ne donne pas à ce serviteur une belle apparence chez Allah. Mais l'association des deux, voici celui qui a la belle apparence chez Allah subhanahu wa ta'ala, car il a concrétisé la ilaha illallah et il a concrétisé Muhammadur Rasulullah avec la sincérité. Il a concrétisé la ilaha illallah avec le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il aura concrétisé Muhammadur Rasulullah. Et ce sont les conditions d'acceptation des actes chez Allah. Le fait de faire l'action pour Allah et de la faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. Donc ça, c'est un point très important qui nous montre la place du cœur. Et que c'est le point le plus important et celui par lequel on doit commencer cette purification. La purification du polythéisme, la purification des innovations, la purification des ambiguïtés, la purification des passions et de tout ce qui déplaît à Allah tabaraka wa ta'ala. Et tu remplis ce cœur de bien, de l'amour d'Allah, de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'amour de son dîn, de l'amour de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'immensification de ce dîn, du Qur'an, tu le remplis de bien. Et tant que cette purification n'est pas faite, la personne sera sujette aux ambiguïtés et aux passions, les deux grandes maladies du cœur. Et il y a ici une réfutation à ceux qui disent ce qui compte c'est le cœur seulement. Ils font de mauvaises choses, désobéissent à Allah Azza wa Jal, puis disent mais ce qui compte c'est le cœur. En effet, le cœur a la place primordiale et la plus importante. Mais ici, on nous montre que parmi les choses très importantes, il y a les actions. et le comment de ses actions. Et il n'y a pas de bien dans le fait de ne pas faire l'adoration comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car dans le cas contraire, c'est rejeté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit, c'est rejeté. Comment est-ce qu'après cela, tu peux venir dire aux gens, on peut innover dans la religion? Car il y a des mauvaises innovations et il y a des bonnes innovations. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, fahuwa rad, c'est rejeté. Comment une chose qui est bonne serait rejetée? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, de la manière la plus claire et la plus explicite, dans les plus grands regroupements de la semaine des croyants, dans sa mosquée, un des meilleurs endroits au monde, le meilleur jour de l'année, le meilleur jour de la semaine, Yom al-Jum'a. Wa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et certes, toute nouveauté est innovation. Et toute innovation est égarement. Il n'a pas dit certaine. Il a dit toute. Wa kull min al-fadil umum. Et kull fait partie des termes donnant la portée, yani la portée générale. La portée générale. Donc voici un hadith très important. Avec la bonne intention et la sincérité, même sans agir, Allah subhanahu wa ta'ala te récompense. Celui qui met l'intention de faire une bonne action, malgré cela, il ne l'accomplit pas, on lui inscrit une récompense complète. On lui inscrit une récompense complète. Celui qui voit un homme riche et pieux, un homme savant, et qui met en pratique sa science, et dit, si seulement j'avais sa science, si seulement j'avais le Coran, je prierais la nuit, j'enseignerais le jour. Si seulement j'avais ses richesses, je ferais des aumônes. Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la récompense de cela. Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la récompense de cette belle intention. Alors qu'il n'a pas agi. Alors qu'il n'a pas agi. Comme dans le hadith dans lequel le prophète sallam nous dit, cette dunya elle est pour quatre personnes. Innama dunya li arba'ati nafar. Donc il y a la personne à qui Allah Azza wa Jalla a donné une bonne subsistance et une science. Il craint Allah autant que possible. Avec cet argent, il lit les liens de parenté. Il enseigne pour Allah ce qu'il maza. Il enseigne pour Allah la vérité. Celui-ci est dans la meilleure des positions. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية. Le deuxième, Allah lui a donné de la science, mais ne lui a pas donné l'argent. Mais ce dernier a une bonne intention. يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان. Si seulement j'avais de l'argent, j'aurais fait la même chose que un tel. Il n'a pas ces moyens-là, mais il est véridique dans son intention, il est sincère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, فَهُوَ بِنِيَّتِ وَأَجْرُهُمَا سَوَى. Il nous dit là, selon son intention. Et la récompense est la même. Subhanallah. La récompense est la même. Le premier a de la science et de l'argent. Il enseigne, il propage le bien et il dépense pour Allah. Le deuxième a de la science, il le voit. Il est satisfait de ce qu'Allah a donné à chacun comme subsistance, mais il aimerait pouvoir faire ce khayr. Alors il dit, si seulement j'avais ce qu'il a, je ferais la même chose. Allah voit dans son cœur la véracité, il voit la sincérité, alors il lui donne la récompense. Alors il lui donne la récompense, alors qu'il n'a pas donné. Regardez la place du qalb, des intentions et de la sincérité. Au point où Allah Azza wa Jalla élève ce serviteur au même niveau que celui à qui il a donné. Au même niveau que celui à qui il a donné. Car lorsqu'Allah te donne, tu es éprouvé. Et lorsqu'il ne te donne pas, tu es aussi éprouvé. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, « Il cite les deux autres catégories. Celui à qui Allah Azzawajal n'a pas donné la science. Donc il espère avoir les richesses de l'autre, mais sans connaissance. Il ne craint pas Allah dans ses richesses. Et il ne l'utilise pas pour les liens de parenté. Et il ne s'acquitte pas de ses devoirs. Le prophète sallam nous dit, Fahada fi akhbathil manazil. Il est dans la pire des places. Il est dans la pire des places. Donc il a il n'a pas de science et il ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala avec ses richesses. Lui, il craint pas Allah dans ses richesses, il fait le mal. Celui-ci au niveau le plus bas. Et le dernier, il n'a ni science ni argent. Mais il espérerait être dans la situation du troisième, celui qui est dans la pire des places. Non, je te dis, si jamais cet argent, je ferais telle mauvaise chose, et telle mauvaise chose, et telle mauvaise chose. فَهُوَ بِنِيَّتِ فَوِزْرُهُ مَا سَوَى. Leur péché est le même. Leur péché est le même. رواه أحمد. Donc ça, c'est la division des gens. Fid dunya. Parmi les actions les plus redoutées par ceux qui connaissent Allah, ainsi que sa grande générosité, qui connaissent Allah ainsi que sa grande punition. Sa grande générosité envers les gens sincères, envers les monothéistes, envers les croyants. Et sa grande punition à l'égard de ceux qui font les actions en recherchant la récompense d'un autre, en recherchant les éloges des autres. Abu Huraira radiallahu anhu a été questionné sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. دخل المدينة سفيان الذي يروي عنه عقبة بن مسلم دخل المدينة إذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس. Il est entré à Médine, cet homme. Il a vu des gens réunis, regroupés autour d'un homme. Faqala man hadha? Il a dit, qui est cet homme? On lui a répondu, Abu Hurayra. Faqalu hadha Abu Hurayra. Qal fadanawtu min hatta qa'adtu bayna yaday. Il dit, je me suis approché jusqu'à me mettre près de lui ou en face de lui. Wa huwa yuhaddithu an-nas. Il était en train de s'adresser aux gens ou de mentionner les ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Falamma sakata wa khala qultu la as'aluka bihaqq wa bihaqq lamma haddathtani hadithan sami'tahu min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque les gens sont partis et qu'il s'est retrouvé seul, je suis venu le voir, je lui ai dit, je te demande en toute vérité de me réciter un hadith que tu as entendu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa aqiltahu wa amilta. Tu l'as compris et tu l'as mis en pratique. Donc ce tabi'i demande à Abu Huraira de lui enseigner un hadith qu'il a compris et appliqué. فقال أبو هريرة et c'est ainsi qu'ils étaient. Ils prenaient l'ilm en premier. Ils mettaient l'ilm en pratique en deuxième. Puis ils propageaient la science en troisième. Et cet ordre est très important et primordial. فقال أبو هريرة أفعل. أبو هريرة lui a dit, je le ferai. لو حدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعملته أو نعم عقلته وعلمته أو علمته ثم وعقلته وعقلته وعلمته طيب سيسا avec الكسرة comme à la ligne suivante c'est que j'ai compris et connu ou bien su ثم نشغ أبو هريرة نشغة فمكثنا قليلا ثم أفاق أبو هريرة lorsqu'il s'est apprêté à raconter ce hadith il s'est évanoui. Quand il a voulu dire le hadith, il s'est concentré, il s'est évanoui un temps, puis il s'est réveillé. Puis il a dit à nouveau, « لو حدثنك حديثا حدثني رسول الله » Je vais te raconter un hadith que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a raconté. « Ana wa huwa fi hadha al-bayt » Il m'a raconté cela à moi et il était dans cette maison. ما منعنا أحد غيري وغير ما معنا أحد غيري وغيره. Il n'y avait personne si ce n'est moi et lui. ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى ثم أفاق ومسح عن وجهه. Puis il s'est évanoui à nouveau lorsqu'il a voulu lui dire le hadith, il s'est évanoui une deuxième fois. Puis il s'est réveillé. Et a essuyé son visage. Faqala af'al. Il lui a dit, je vais le faire, c'est-à-dire te raconter le hadith, ce que tu m'as demandé. Thumma nashara Abu Huraira nashratan shadida. Où il lui a dit avant cela, la uhadithannaka hadithan haddathani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ana wa huwa fi hadha al-bayt. Ma ma'ana ahadun ghayri wa ghayrahu. Je vais te raconter un hadith que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a raconté à moi et il n'y avait dans cette maison personne si ce n'est moi et lui. ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة ثم مال خر على وجهه. الله أكبر. أبو هريرة une troisième fois s'est évanoui. Puis, il amaza, en subissant une lourde pression, mais on va dire une grande difficulté. Ensuite, il a penché et il est tombé sur son visage. Il a penché et il est tombé sur son visage. فَأَسْنَدْتُهُ طَوِيلًا ثُمَّ أَفَقْ. Donc ça a duré un long moment et il l'a retenu. فَقَالَ حَدَّثَنِي رَسُولُ اللَّهِ. Après la troisième fois seulement, il a été dans la capacité de prononcer le hadith. Ce hadith était tellement lourd sur Abu Huraira qu'à trois reprises il a essayé de le mentionner, il n'y a pas réussi. Ça n'est seulement qu'après la troisième fois, après cette lourde charge, qu'il lui a dit « حَدَّثَنِي رَسُولُ اللَّهِ. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a raconté. Inna Allah tabaraka wa ta'ala idha kana yawm al-qiyamati yanziru ila al-ibad liyaqdiya baynahum wa kullu ummatin jathiya fa awwalu man yud'a bihi rajulun jama'a al-Qur'an wa rajulun qutila fi sabilillah wa rajulun kathirul mal. Certes Allah tabaraka wa ta'ala, lorsque le jour de la résurrection sera, il descendra à ses serviteurs, il descendra plutôt vers ses serviteurs afin de juger entre eux, afin de juger entre eux. وَالنُّزُولْ صِفَةٌ فِعْلِيَّةٌ ثَابِتَةٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Et la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala est un des attributs d'action d'Allah tabaraka wa ta'ala véritable qu'on affirme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith nous dit: يَنْزِلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا هِنَا يَبْقَى ثُلُثَ اللَّيْلِ الْآخِرِ. Le prophète sallam nous dit un hadith authentique, très grandement rapporté: certes Allah descend au ciel de ce bas monde lorsqu'il reste un tiers de la nuit. Lorsqu'il reste un tiers de la nuit, le hadith est connu. Il jugera entre ses serviteurs et chaque communauté sera agenouillée. Et le premier qui sera appelé le jour du jugement sera un homme qui a mémorisé le Coran, qui a réuni le Coran entièrement dans sa poitrine. Et un homme qui est mort dans le sentier d'Allah. Et un homme qui avait beaucoup d'argent. Fayaqulullahu azza wa jalla lilqari. Allah dira au lecteur, au savant du Coran, à celui qui avait mémorisé le Coran: Alam u'allimk, ne t'ai-je pas enseigné ma anzaltu ala rasuli, ce que j'ai révélé, fait descendre sur mon messager. Ne t'ai-je pas enseigné ma anzaltu ala rasuli, ce que j'ai fait descendre sur mon serviteur, enfin mon messager? Qala bala ya rab, il dira certes au mon seigneur. Faqala fama amilta fi ma alimt, qu'as-tu donc fait avec ce que tu as su? Qu'as-tu donc fait avec ce que tu as su? قال كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار وآناء النهار. Je me levais avec le Coran la journée, une partie de la journée, une partie de la nuit. فيقول الله عز وجل له كذبت. Allah عز وجل lui dira: menteur, tu mens. وتقول له الملائكة كذبت, les anges lui diront: tu mens. Celui qui inscrit comme menteur chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui est le menteur par excellence. Celui qui est un menteur chez Allah, c'est un menteur chez les anges. Et c'est un menteur chez les serviteurs d'Allah, tabaraka wa ta'ala. وَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالْ فُلَانٌ قَارِئٌ. Mais tu recherchais par cela à ce qu'on dise un tel le lecteur. Un tel le lecteur du Coran. وَقَدْ قِيلَ ذَلِكَ. Et ceci a été dit. Ce que tu cherchais, les éloges des gens, les gens t'ont fait des éloges. Ils ont dit « Al-Qari, le lecteur, un tel, fils d'un tel. » وَيُؤْتَ بِصَاحِبِ الْمَالِ. On convoquera, on fera venir le riche, celui qui avait de l'argent. فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ أَلَمْ أُوسِعْ عَلَيْكَ. Aïe Ournik, ne t'ai-je pas enrichi? Biskani ou bitaskini l'waw al-mukhaffaf. Alam usir alayka hatta lam ada'ka tahtaju ilahat. Ne t'ai-je pas enrichi au point où tu n'as eu besoin de personne? Ça, c'est un grand bienfait d'Allah Azza wa Jal, que de pouvoir connaître le Coran, que d'avoir des richesses au point de n'avoir besoin de personne en dehors d'Allah Azza wa Jal. Qala bala ya Rab, qala fama amilta fima utituk ou ataituk. Certes, ô mon Seigneur, il lui dira: et qu'as-tu donc fait avec ce que je t'ai donné? Qala kuntu asilu rahim wa tasaddaqu. Il dira: je liais avec ça les liens de parenté de sa famille et je faisais des aumônes. Fayaqulu Allahu lahu kadhabt. Allah lui dira: tu mens. Wa taqulu al malaikatu kadhabt. Et les anges diront: tu mens. ويقول الله تبارك وتعالى بل أردت أن يقال فلان جواد. Tu mens. Mais puis Allah dira: tu as voulu que les gens disent de toi un tel est le généreux, celui qui donne. Un tel est le généreux. MashaAllah, un tel il donne. Un tel il fait beaucoup de sadaqat. وقد قيل ذلك. Et cela a été dit. C'est la chose que tu cherchais? Les éloges des gens? Bah, tu l'as reçu. Les gens disaient de toi, le généreux, tu as fait l'action pour ça? On te l'a dit. وَيُؤْتَ بِالَّذِي قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ فِي مَاذَا قُتِلْتَ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّي أَمَرْتَ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِكَ فَقَاتَلْتُ حَتَّى قُتِلْتَ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ كذبت وتقول الملائكة كذبت ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جري فقد قيل ذلك. Quant à celui qui est mort dans le combat, on lui dira, un mal dira, j'ai fait cela pour toi, on lui dira, tu mens, et les anges diront aussi, Allah dira, tu mens, les anges diront, tu mens, tu as fait cela pour qu'on dise le courageux. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتين فقال يا أبا هريرة. Puis le prophète صلى الله عليه وسلم a tapé sur mes genoux et a dit ô Abu Huraira, ô Abu Huraira, أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. الله أكبر. حسبنا الله ونعم الوكيل. أو أبو هريرة. Ces trois personnes. Et regardez avant de donner cette information, le prophète صلى الله عليه وسلم a tapé Abu Huraira au genou avec ses deux mains pour qu'il soit pleinement concentré dans ce qu'il va lui dire là. Pour avoir parfaitement toute son attention, afin de lui dire, ô Abu Huraira, ces trois-là sont les premières créatures d'Allah avec lesquelles le feu sera attisé le jour de la résurrection. Yom al-Qiyama, ou plutôt le feu est attisé par les pierres et par les gens. Waqudha an-nas wal-hijara. Le combustible de l'enfer, c'est les gens et c'est les pierres. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ces trois sont le combustible de l'enfer, les premières créatures d'Allah qui seront le combustible de l'enfer le jour de la résurrection. قال الوليد أبو عثمان المديني وأخبرني عقبة أن Tout à l'heure, j'ai dit Soufiane, hein? c'est Choufaïa, l'Asbouhi. Je me suis trompé. Fa'akhbarani Uqba, Uqba c'est Uqba ibn Muslim, rahimahullah ta'ala. Non. فأخبرني عقبة أن شفيا هو الذي دخل على معاوية فأخبره بهذا. Un homme est entré chez Muawiya, celui qui a entendu ce hadith. Il est rentré chez Muawiya رضي الله عنه. قال أبو عثمان وحدثني العلاء ابن أبي حكيم أنه كان سيافا لمعاوية قال فدخل علي رجل فأخبره بهذا عن أبي هريرة فقال معاوية وقد فعل بهؤلاء هذا فكيف بمن بقي من الناس. Les gardes de Muawiya رضي الله عنه ont dit un homme est entré et a informé Muawiya du hadith de Abu Huraira, de ce hadith que l'on vient d'entendre. Alors Muawiya radiallahu anhu a dit à ces gens-là, on a fait ça. Il y a un lecteur du Coran, celui qui dépensait son argent pour Allah et celui qui est décédé dans le sentier d'Allah, à ces trois-là, on a fait ça. Que dire alors de ceux qui vont y rester? Que dire alors de ceux qui vont y rester? Ou que dire alors de ceux qui qui reste. Thumma baka Muawiya buka'an shadidan. Puis Muawiya s'est mis à pleurer avec intensité. Hatta dhananna annahu halik. Jusqu'on a pensé, jusqu'à ce que nous sommes mis à penser qu'il allait mourir. Tellement qu'il a pleuré, des suites de ce hadith, on a cru qu'il allait décéder. قد جاءنا هذا الرجل بشر وقلنا قد جاءنا هذا الرجل بشر. Les gens qui étaient autour, quand ils ont vu l'état de Muawiya, se sont dit, radiyallahu anhu, ils se sont dit, cet homme-là est venu avec le mal. Yani, il voit le gouverneur dans cet état. Suite à une chose qu'il lui a racontée, ils ont dit, cet homme-là, il est venu avec le mal. Comment se fait-il que Muawiya est dans cet état? Et Muawiya était un homme très fort, radiyallahu anhu. Mais devant la lourdeur de ce hadith, il s'est mis à pleurer devant la peur de l'ostentation. Il s'est mis à pleurer. Où sont ceux qui disent, les gens sont des musulmans, il n'y a pas besoin de leur parler du shirk. Ça c'est Muawiya, sahibu rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui marchait à ses côtés. Il a peur de faire partie de ces gens-là. Il a peur de tomber dans l'ostentation, dans le shirk. Meilleur que lui, Ibrahim alayhi salam. Wa junubni wa baniya an na'bud al-asnam, rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Ibrahim alayhi salam, le père des prophètes, a peur du shirk. Dans sourate Ibrahim, ô notre Seigneur, éloigne-moi, ainsi que ma descendance, de l'adoration des idoles. Ô notre Seigneur, elles ont égaré beaucoup de tes serviteurs. Ibrahim alayhi salam a peur du shirk. Et tu trouves aujourd'hui des ignorants qui disent, pourquoi vous parlez de ça? Les gens, c'est des musulmans, il n'y a pas besoin de leur parler de ça. Parlez du paradis, parlez de l'enfer, parlez du bon comportement. Exhortez les gens. Les gens sont insouciants, il faut juste leur faire le rappel. Allahu Akbar. Est-ce que nous sommes mieux que Muawiya, que Ibrahim alayhi salam, que Sahaba, que Abu Huraira, qui s'évanouit en voulant dire ce hadith? Ils ont tous peur. Ils ont tous peur de ce péché qui est grave. Et celui qui n'a pas peur, c'est parce qu'il ne connaît pas le shirk et la gravité du shirk. Celui qui n'a pas peur, il ne connaît pas le tawhid et son importance et son bienfait. Fait partie de la crainte d'Allah et de la perfection de sa connaissance et de la connaissance de son droit, que d'avoir peur de manquer à l'acquittement de son droit, d'avoir peur de souiller ce droit-là et d'avoir des imperfections dans son acquittement. ثم أفاق معاوية مسعى وجهه وقال صدق الله ورسوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Muawiya, lorsqu'il a médité, entendu ce hadith, il a pleuré énormément. Lorsqu'il s'est repris, il a dit, Allah a dit la vérité et son messager également. Puis il a mentionné le verset dont la traduction des sens est: celui qui veut se bat monte, et sa parure, on lui accordera la rétribution de ses actions sans en diminuer quoi que ce soit. Celui qui agit dans ce bas monte, il prend les actions des actions de l'au-delà pour avoir ce bas monte. Il utilise les actions de l'au-delà pour avoir une part de ce bas monte. Allah subhanahu wa ta'ala dit, on va leur donner dans ce bas monde sans rien diminuer. Et dans l'autre verset, liman yasha ou liman nasha ou liman nurid, naam, à celui et à les convaincre. Donc même ce don là est rattaché à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est les gens qui agissent avec ostentation et qui utilisent, il y a plusieurs tafasirs parmi lesquels celui qui utilise l'action des ibadat avec lesquels on doit chercher l'akhira, il les utilise pour avoir ad-dunya. Oulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Voici ceux qui n'auront dans l'au-delà que l'enfer. Ils ont des actions, ils agissent. Mais avec l'ibadat, ils recherchent quoi? Ad-dunya. Ils font pour les gens, ils font pour les éloges des gens, ils font pour la dunya. Allah Azza wa Jal leur dit, laysa lahum, ou plutôt, na'am, laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Ils n'auront rien dans l'au-delà si ce n'est l'enfer. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا. Et tout ce qu'ils ont fait ici sera, yani voilà, disparition. Yani sera annulé. وَبَاطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُوا. Et tout ce qu'ils faisaient était faux et vain. Ça, c'est la finalité de ces gens-là. Ça, c'est la finalité de ces gens-là. Pour la traduction de Nashara, Nashratan, c'est-à-dire qu'Abu Huraira a pleuré énormément, point où on entendait des sons, et comme s'il allait s'évanouir. C'est pas forcément qu'il s'est évanoui. Donc, Allahu A'lam pour un mot de traduction. Ce hadith est un hadith qui fait peur aux personnes vertueuses et à ceux qui ont de bonnes actions, à défaut de faire peur à ceux qui sont dans les péchés. Ici, on voit le comportement de ceux qui ont hérité la science du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce qu'ils ont compris ce hadith et comment ils ont été touchés par ce hadith et ont eu peur pour eux. Donc, si eux ont eu peur avec la perfection de leur science, leur proximité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur perfection dans la mise en pratique et leur rapidité dans la soumission et l'acceptation, nous, on doit avoir peur également. Et on doit rester sur leurs traces, dans la sincérité, et on doit avoir peur que ne soit souillée la chose que nous avons de plus cher, c'est-à-dire l'ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu peur de ce péché-là. Pour qui? Pas pour des gens faibles comme nous, mais pour les meilleurs des gens, appelés les prophètes et les messagers, as-sahaba radiallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour est sorti et les sahaba étaient réunis et parlaient de le Messie al-Dajjal. Faqala ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaykum 'indi min al-Messie al-Dajjal. Et il leur a dit, ne vais-je pas vous informer d'une chose que je crains plus pour vous que le Messie al-Dajjal? Alors que le Messie al-Dajjal, c'est la plus grande fitna contre laquelle a averti prophète, puis le second, puis le trois, puis jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'Allah sait qu'il ne viendra qu'à la fin. Pourtant tous les prophètes ont averti. Hein? Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit pire que ça. Je crains plus une chose que le Messie al-Dajjal. Savez-vous laquelle? Il leur dit, ils ont dit, dis-nous. قال الشرك الخفي, le polythéisme qui est caché, le polythéisme qui est caché, le polythéisme dans les intentions. الشرك الخفي أن يقوم الرجل فيصلي, l'homme se lève, il fait la prière. La prière, c'est une bonne action, c'est l'action la plus aimée chez Allah Azza wa Jal. فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل, mais quand il voit qu'on le regarde, il améliore, il embellit sa prière. Il prie encore mieux. Pourquoi? Parce qu'on le regarde. Il cherche les éloges. Il cherche le regard des gens. Il ne cherche pas Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est la chose que je crains le plus pour vous. فَنَسْأَلُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَغْفِرَ لَنَا وَأَنْ يَعْفُوَ عَنَّا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ كما نسأله تبارك وتعالى أن يجنبنا الشرك كبيره وصغيره. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.